La meuf voulait que je m'épile le torse, que je fasse la muscu soi-disant pour la force. Je la voyais kiffer, poster magazine. Je l'ai regardé, j'ai dit écoute copine, franchement pour moi t'es bien plus que mignonne. En plus t'es pas bête, non t'es loin d'être une conne. Quand je t'ai vu j'ai kiffé, mais tu changes la donne. Tu crois que t'es parfaite, écoute donc ce que ça donne. Mais pour qui tu m'as pris? Avec ta cellulite, ta culotte de cheval, tu bosses pas chez Elite. T'es bien gentil, allez basta, t'as pas de sein et tu te prends pour la casta. Je suis pas du genre à critiquer les femmes, ici c'est Echo Gentleman pour les dames. Je suis pas du genre à critiquer les meufs, ici c'est Echo Gentleman, mais je suis pas un chipendle, tu l'aimes ou pas ma gueule. Je suis pas un chipendle, je suis Pierre et Chip Springle. Je suis pas un chipendle, tu l'aimes ou pas ma gueule. Je suis pas un chipendle, je suis Pierre et Chip Springle. Elle m'a dit tu t'es vu, je te jure tu me fais honte quand je marche avec toi. Je crois qu'on montre du doigt, tu crois qu'on parle de moi. Je suis une meuf classe, mais toi toujours en skate pas. Tu fais le rappeur, t'as vu comment tu tapes. Là la meuf voulait que je me strappe. T-shirt près du corps, pantalon en cuir, un look de boys drunk qui me fait encore fuir. Mais pour qui tu m'as pris? Avec tes fossiles, ton vernis écaillé, tu critiques mon style. T'es pas dans la jet set, tu portes des Jennifer. On voit tes racines, allez refais ta couleur. T'es bien dans l'ensemble, mais quand je mate les détails, je m'aperçois, tu vois qu'il y a encore du travail. Je suis pas du genre à critiquer les femmes, et si c'est Echo Gentleman, mais je suis pas un chipendle, tu l'aimes ou pas ma gueule. Je suis pas un chipendle, je suis Pierre et Chip Springle. Je suis pas un chipendle, tu l'aimes ou pas ma gueule. Je suis pas un chipendle, je suis Pierre et Chip Springle. Y'a la meuf qui voulait que j'arrête le rap, un truc de gamin, vas-y cherche-toi un taf. Fallait que tu fasses comme tous ses copains, un job de merde, désolé pas moyen. Elle voulait squatter les terrasses des cafés, resto ciné, ensuite club privé. Pendant l'été madame voulait voyager, tu veux savoir le drame, c'est moi qui te fais payer. Mais pour qui tu m'as pris? Pour me moraliser dans un job, toi t'es qu'une meuf bien roulée. Tu veux du fric, compte pas sur moi. T'as qu'à travailler, allez passe ton bafa. Sinon fais-toi ken, tes potes sont là-bas. J'te jure qu'après on te sortira. J'suis pas du genre à critiquer les femmes, ici c'est Echo Gentleman, mais j'suis pas un chipendle, tu l'aimes ou pas ma gueule. J'suis pas un chipendle, j'suis Pierre et Chip Springle. J'suis pas un chipendle, tu l'aimes ou pas ma gueule. J'suis pas un chipendle, j'suis Pierre et Chip Springle. J'suis pas un chipendle, tu l'aimes ou pas ma gueule. J'suis pas un chipendle, j'suis Pierre et Chip Springle. J'suis pas un chipendle, tu l'aimes ou pas ma gueule. J'suis pas